Histoire numéro 7, la délégation krouchnikoise. Donc, vous vous souvenez comment Montjaïel devint maire de Krouchnik, comment il régnait de main de maître sur toute la ville, et comment les Polonais ont fouillé sous terre pour lui faire des embrouilles, et tant et si bien que les Allemands ont fait des obsèques et ont fini, grâce à Dieu, par trouver chez le boucher des couteaux et de la farine à canon. Primo, ils ont attrapé le boucher et l'ont mis au cachot, tout seul, de façon à ce que personne ne prenne contact avec lui. Alors en ville, gros drame, tout le monde me tombe dessus. Alors, Jacob, debout, un mot de toi et de ton fils le maire, et le boucher est dehors, en avant. Je leur réponds, pas si vite, mes enfants, vous vous trompez lourdement. D'abord, je ne suis pas si important que ce que vous croyez, et même à supposer, ce n'est pas tellement un avantage. Du fait même que Jaïel tient les fonctions de Bourgmistre, je risque de faire plus de mal que de bien. Parce que si vous connaissiez les Allemands comme je les connais, vous ne parleriez pas comme ça. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un Allemand. L'Allemand, il a horreur de la flagornerie, comme le juif du cochon. Il n'y a pas moyen de le faire marcher avec de belles paroles. Ça ne colle pas. C'est pas le tsar, lui, vous comprenez? Celui-là, il vous regarde dans la main, pour voir s'il n'y a pas un petit cadeau pour lui, là. L'Allemand, lui, il est fait d'une manière bien plus délicate. C'est suffisant, non? Mais ici, nous avons affaire à des Juifs, voyez-vous. Vous leur parlez de cruche, ils vous répondent par une barrique. Vous évoquez la barrique, ils vous parlent de persil. Pendant ce temps, la femme du boucher, ses enfants, frappent des pieds, hurlent et se cognent la tête contre les murs. Je ne sais pas comment vous prenez ces choses-là, vous, monsieur Cholem Aleichem, mais moi, quand je vois des pleurs, je perds le nord. Je ne peux pas voir quelqu'un pleurer, c'est simple. Je ne veux pas me vanter ici d'avoir bon cœur, non. Mais la force des larmes, c'est quelque chose. En fin de compte, tout cela s'avère totalement inutile parce que l'on m'en réclame de là-haut. Et avec moi, on appelle le rabbin en titre et tous les notables de la ville. Cela nous a retourné l'estomac, vous pensez? Alors nous nous armons de courage. Nous mettons les vêtements de Shabbat et nous prenons nos hautes formes. Nous avions une belle allure, comme une délégation en sorte. Pas comme des gens qu'on sonne et qui arrivent. Vous suivez? Ma bourgeoise qui me demande, « Jacob, où tu vas comme ça? C'est pas Shabbat aujourd'hui? » Je m'abstiens de répondre qu'on nous appelle de là-haut. Les femmes ne doivent pas tout savoir. Je lui explique juste que nous allons en délégation chez l'Allemand, je veux dire chez le commandant, pour sauver un pauvre juif de la pendaison. Elle lève les mains au ciel. « Non, non, n'y va pas. Une catastrophe épouvantable va s'abattre sur le peuple d'Israël. Vous savez ce que c'est que les femmes ? À vrai dire, la mienne, que son âme repose en paix, elle avait plus de tête que la moyenne d'entre elles. Elle avait même pas mal de cervelle, et il lui arrivait même de parler avec pas mal de bon sens. Je ne dis pas ça parce que c'était ma femme. Je ne suis pas comme les maris ordinaires, moi. La preuve ? Vous seriez arrivé à Krouchnik, vous auriez demandé à n'importe qui c'est Myriam Miralé, la femme à Jacob Bionnevers, on n'aurait pas tari d'éloge. Pratiquante, pour sûr, mais surtout, un bon cœur, un bon tempérament. Et puis, sans l'ombre de la moindre aménité. Je veux dire, évidemment, si vous lui marchez dessus, alors, bien sûr, comme tout le monde, ça, oui. Bon, mais je ne veux pas vous faire perdre votre temps, je vais raccourcir un peu et entrer dans le vif du sujet. Donc, nous voilà partis, la tête haute, moi, le rabbin en titre, et les autres notables de la ville de Krouchnik, en direction du poste du commandant. Vous pensez, le père du bourgmestre de Krouchnik, c'est quelque chose, non? Et tout en marchant, on se demandait ce qu'on allait lui dire au commandant. Alors on a pensé qu'il fallait commencer par le Deutéronome. Tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur. À savoir, vous nous avez déjà fait beaucoup de bien en daignant mettre le pied chez nous. Il fallait lui parler le beau langage, parce que si on attendait qu'il s'adresse à nous, on pourrait attendre longtemps. Il fallait aussi lui dire deux mots sur le boucher et ses couteaux. Mais à quoi lui servait sa farine à canon? Mais, comme dit le dicton, quand le malheur te touche, ferme la bouche. Et là commence vraiment ce conte de mille et une nuits. Quand le souvenir me revient, mes cheveux se dressent sur ma tête. On arrive, et on trouve le boucher ligoté, les mains derrière le dos, et deux soldats armés de fusils à sa gauche et à sa droite. Ces deux-là, apparemment, vont bientôt faire leur boulot. Et le boucher qui récite son mea culpa, nous, on le réconforte. Dieu est avec toi, Rabbi. Mais les deux autres nous font signe avec leurs fusils. Si vous causez, on vous tire dessus. Et quand un Allemand menace de tirer, on peut lui faire confiance. Et surtout, dans un moment pareil, où le monde entier devient fou. On tire pour n'importe quoi aujourd'hui. On vous accoste. Hey, tonton, amène ta tabatière ou je te flingue. Vous n'avez pas même le temps de réfléchir. À plus forte raison d'essayer de vous justifier, de prouver que vous n'avez jamais fumé ni prisé. Votre vie ne vaut pas un sou. Bon, c'est le monde d'aujourd'hui. Que faire? Et nous autres, on regarde le pauvre bougre, on pense aux orphelins et à la veuve, Gewalt, mon Dieu. Et qui s'approche de nous tout d'un coup? Non, pas le commandant, mais une autre calamité. Un rouquin gros et gras, qui sort juste de table, et qui semble avoir bu un petit coup de vin, un cigare entre les lèvres et pas de chapeau. Et à côté de lui se tiennent deux autres officiers, eux aussi bien repus et nu-tête. Ils nous observent, nous les observons, tout ça en silence. Si nous avions été reçus par le commandant à l'intérieur, pas comme ça, dehors, cela se serait passé tout autrement. Mais en attendant, tout le monde reste debout en silence. Moi, le rabbin et le rabbin en titre, nous sommes en première ligne et les notables derrière qui poussent pour qu'on dise quelque chose. Mais allez parler quand vous n'avez rien à dire. Et puis moi, je donne la préséance au rabbin, toujours, parce que c'est le plus âgé. Et lui, il attend que le rabbin en titre ouvre la bouche, parce qu'il est plus officiel. Alors le gros comprend que personne ne va parler et il entame les débats. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous ?»« Le vieux monsieur, c'est le rabbin. Le plus jeune, c'est le rabbin en titre. Et moi, je suis Jacob Yonever, le père du maire. J'ai l'impression que cela en fait une sur lui, mais il ne bronche pas. Bon, le côté honorifique ne marche pas. Essayons la pitié. Comme si et comme ça, nous arrivons en délégation de la part des citoyens de Krushnik pour vous demander la grâce de ce bonhomme, là. » Et je montre le boucher du doigt. Le grand rouquin m'écoute patiemment et fait signe aux deux soldats de nous arrêter. Il nous enferme à l'intérieur dans trois pièces séparées, comme des voleurs de droit commun. Et tout ça a duré moins de temps qu'il ne faut pour le raconter. On ne nous a même pas donné le temps de prévenir la maison. Nous avons tous des femmes et des enfants, rien. Il ne valait d'ailleurs pas trop demander à l'Allemand le pourquoi du comment. D'abord, il n'aurait pas répondu. Ensuite, cela n'aurait fait qu'aggraver les choses. En temps de guerre, voyez-vous, quand il y a de la poudre autour, il faut faire attention de ne pas prononcer de paroles inutiles. Vous ne savez jamais qui va gagner dans ces situations-là. Vous pouvez vous retrouver la tête en bas et la queue en l'air. En bref, nous étions bien mal partis. Maintenant, à mieux y regarder, que pouvait-on nous reprocher? Et à quoi bon avoir peur? Surtout que nous avons affaire ici à des Allemands. L'ennui, les Allemands en ce moment, ce ne sont pas les Allemands. Les Français, pas des Français. Et les Anglais, pas des Anglais. Vous comprenez? Ils ont tous revêtu des peaux de bêtes. Ils se conduisent idem. Des bêtes féroces. Pire que la génération du déluge, la fin du monde. Vous croyez qu'ils nous ont demandé une rançon? Ou qu'ils nous ont fouettés? Non, non. Même si vous aviez 18 têtes, vous ne trouveriez pas. Mais laissez-moi reprendre mon souffle. Ensuite, vous me direz, vous, un homme de votre âge, si cela tenait du rêve ou de la réalité.